Les scientifiques et techniciens de l'Institut de catalyseurs de la faculté de chimie de l'université Kim Il-sung ont mis au point à notre manière de la mousse d'extension et du liquide d'extension contre l'incendie forestière. C'est un produit nationalisé à haute capacité de formation et de stabilité de mousse et efficace pour l'extension de toutes sortes d'incendies.